baroque, troubadour, à guitare éclectique. Je balance ma voix sur le fil d'un lexique qui me donne du fil à retordre et bien plus. J'ai l'âme basanée d'un souffle de l'Afrique et Linton m'a percé d'un rayon magnétique. Or ma voix étant ma seule voix de salut, je cherche maintenant des synthés liturgiques du côté de la 42e rue. Cette musique aimée du fond de mes minimes, ce paquebot volant illuminé de rythme, Manhattan scintillant, un arbre de Noël. La pénombre bleue, ses cuivres en sourdine, ses chanteurs enchaînés à la beauté d'un hymne. Je les ai autour de moi comme un arc-en-ciel. Le pygmée occitan a grimpé sur les cimes où neige souplement des flocons de soleil. Console du son nous console du reste. Nous savons qu'il y a des bombes sous les vestes. La misère sombre a coupé au couteau. Colère qui luise et des cames que testent des enfants allumés par les feux de la peste. Le monde est rempli de gangsters de Chicago. Enfer et paradis entremêlent leurs tresses. Je fabrique mes joies au prix de mes détresses. Comme la môme Piaf, je repars à zéro.